Mes canettes sont dégueulasses, man. Je viens d'aller au dépanneur, j'avais pas de bière, j'ai fait, oh, je vais prendre la plus cheap, mais genre les canettes, là, genre le top est comme plein de petites sables, on dirait, là. C'est des crottes de souris. Ben, ça se peut, man, je sais pas. Je le boirais pas avec la canette, là. Ouais, non. Okay, moi, je préfère tout le temps en verre. Je suis fancy de même. Ouais, moi, d'habitude, je m'en crisse, mais là... Pas qu'en canette, ouais. Bouteille, c'est tout le temps en verre, mais en canette, je sais pas. Voilà. Ouais. Ça se peut qu'il y ait du bruit, une petite fille qui... Qui crie, qui a du fun, la Chris. Pleure donc à la place! C'est doux à mes oreilles, les pleurs d'un enfant. Bon, ben, anyway, là, c'est le début de l'été, fait que forcément, on va avoir des sons weird parce que nos fenêtres sont ouvertes, puis des fans. Ouais, tout, moi, j'ai fermé la mienne, mais. Ben, ma fenêtre est fermée aussi, mais j'ai une fan. Là, fait que là, vous. Tu sais, le noise gate. Go, Stéphane! Je vais la faire à chaque fois. Ah, c'est ça. Ah, ben, l'été commence, fait que tu peux la faire toutes les shows. Hein. Ouais. Chris, que je m'avais versé une bière tabarnak de Chris. T'as plein de mousse de style. Ah, les mousses. Les mousses. Je n'ai sûrement déjà parlé, ma tante, elle disait ça. Les mousses, n'est mangé. Les mousses. Puis là, un moment donné, mon cousin, il était tanné, mais il a un peu de moune. Puis là, genre, il était comme, mais on n'est pas des mousses. Ça me faisait rire. En niaisant, là. Je suis pas une mousse! Oh, yes. Hein? Je sais pas. Hey, épisode. Vas-y. Non, ben, c'est juste. Non, vas-y. En frais de langage de mon oncle. Je l'ai sûrement déjà dit en plus dans le podcast, mais je me souviens qu'une prof d'art visuel au secondaire, pour qu'on se taise, elle disait marche patate au chômage. Ouais, tu sais, la bonne façon de te faire prendre au sérieux par des adolescents au secondaire en pleine crise, marche patate au chômage. Puis elle avait pas une voix autoritaire, fait que c'était « Mouf, patate au chômage! » Puis là, elle faisait une bouche de, tu sais, fâchée, puis elle shakait de la tête d'un bord puis de l'autre. Là. Aïe, aïe. J'en ai pas des bons souvenirs de ce prof-là. Ah non? Peut-être morte aujourd'hui, je sais pas. Ouais, peut-être, ça. Je sais pas, j'ai pas eu de prof mort, mais... Ah non, c'est pas vrai, il y en a un. C'est le prof, le pire, c'est que c'est un prof d'édu, puis il est mort d'une crise de cœur. Chris, moi aussi, j'ai eu un prof d'édu qui est mort d'une crise de cœur. Aïe, aïe! Je sais pas ce qu'ils font. Puis mais ça aussi, je pense que j'en ai déjà parlé. Il y avait des élèves qui avaient fait une page Facebook en son honneur, là, genre, en son honneur, comme à sa mémoire plutôt. Puis il avait fait plein de fautes dans le nom. Hein. Oh. Genre, à la mémoire de machin. Puis genre, il y avait 4 fautes dans 2 mots. Là. Genre, waouh, bravo de. C'est plein de bonnes intentions, ça. Mais ben, tabarnak. En plus, c'est un enseignant, même s'il est en éduc, il faut qu'il sache écrire. Là. C'est quand qu'il a écrit, à part des temps. Il faisait ça, toi, en éduc, de. Tu sais, fallait que tu t'auto-évalues à chaque cours ou je sais pas quoi, là. Nous autres, c'était ça, là. Comme, je suis plus sûr. Comment t'évalues ta journée? Ah, 6-7. Mais moi, 6. Moi, je disais tout le temps 6-7. Tout le monde disait 10. même des jours que je me forçais, je disais 6-7. Je sais pas regarde de me donner plus. Ouais. C'est pas long. Je verse encore ma bière là. Je suis mauvais là. Elle fait ben trop de mousse là. Bon. Hey! Épisode 51? Ouais. C'est le seul podcast où on bat le bâton qui sert à battre un cheval mort. Ben, tu sais, quand on dit qu'on révolutionne, nous autres, le bâton, il passe. Il n'y a pas personne qui pense à ça. Du monde bat le cheval mort. Nous autres, c'est comme, ah ouais? Le bâton, il a touché que bâton plein de restants de flèches. Mais toi, genre, quand on dit l'expression battre un cheval mort, c'est. Tu sais, avec un bâton, moi, j'ai toujours l'image. Je sais pas, c'est où qu'il y avait cette image-là. C'est moi de vidéo YouTube, là, genre, mais de. J'ai juste une photo, genre une vieille illustration comme victorienne d'un monsieur avec une canne qui tape un cheval mort, genre. Ah ouais? Ok, ouais, c'est plus... cette image-là. C'est plus... Mais ça, on dirait que mon image est plus farmer. Genre avec une fourche? Il y a pas une fourche, c'est un bâton, mais genre un esti de redneck bizarre, là. Ouais. Genre, c'est pas élégant. Ah non, moi, il y a un top hat, puis il est en genre beige et noir. Top hat? Un top hat, esti? Un top hat! Pas une tapette! Oh non, pas ça, hey, ça oh là, non. On en parle oh pas des tapettes comme ça. Ça va avec ta bière, mais t'as pas encore fini. Non, c'est parce que là je sais pas. Là je te vois qu'il y a un crayon en plus. Hein. Ouais, mais c'est pas. Ok, bon, je sais pas si je l'ai coupé ou pas dans le début, mais c'est parce que j'étais allé m'acheter au dépanneur juste des canettes, puis le top man des canettes sont dégueulasses, puis je l'ai vu juste ici. Genre c'est plein de style sable dégueu, j'ai essayé d'enlever, puis. Sauf que là, il y en a un peu qui sont tombés dans la mousse, fait que j'essaie d'enlever ceux que je vois. pas envie de boire une bière pleine de sable. Faites attention. Surtout que c'est, dit, ouais, c'est peut-être pas du sable, c'est peut-être non, du caca. Non, c'est peut-être de la crotte de rat ou peu importe, là, mais... Dans mon du gros cake. Dans mon imaginaire, j'aime me dire que c'est du sable. c'est pour ça que j'ai un crayon, là. J'aime autant parce que ça vient du désert, ça, les biais. Mais oui, ça pousse avec les cactus, puis les Joshua Tree. Ah. Hein? Tout le monde connaît ça? Bon, ouais, il n'y a plus de graines dans ma bière. Hein. Hey, t'es bien bon, toi, t'as voyagé en Joshua Tree. J'ai juste vu le 1. C'est que c'est plate. Ça commence plein d'énergie, tout ça. Ouais. Hey! Yes. C'est-tu, moi, je suis content que l'interaction avec les gens dans la vraie vie soit pas comme Internet. Non, mais dans ça, tu sais, imagine, tu sais, il y a tout le temps du monde qui va, hey, ouais, tu sais, un lien vers telle chose, tu cliques, t'as plein de virus. Mais tu sais, imagine dans la vie, c'est genre, hey man, comment je peux aller là-bas? Tlac! Il te pique avec une seringue dans le cou, genre. Dans le sens de les virus, pis. Ouais, c'est tout. Je suis content que ça soit pas comme Internet, la vie. Pis là, qu'est-ce qui arrive s'il te pique avec le virus? T'as un d'autre qui te suit, qui te dit des pubs constamment toute la journée. Là. En plus, c'est ça. Pis tu meurs. Hey, ton pénis, t'as-tu besoin de grossir? Prends des coupons. Puis là, tu dis oui, puis là, bam, la seringue dans le bras. Fuck! Dans le bras? Ben, ou dans le pénis. Dans le bras de bébé qui tient une pomme. Ouais, parle pour toi. Non, c'est... Ben oui, mais tu sais... Ah, Stéphane, gros shaft! Mais plus, Martin Deschamps, bébé, là. Tu sais, je sais pas que ça va de l'air, ses petits bras, mais lui qui, probablement lui qui est le moins appealing, là. Pas lui qui a des doigts, ouais. L'autre qui a un bout, là. Attends, ouais. Ça, puis... Oh my god, lui qui a des... Pas lui qui a des doigts, lui qui a un bout. Mais là, j'enlève rien. Bref, tout le monde a l'image claire, là. Ben oui, je pense. C'est pas... Bon. Hey, ouais, là, l'épisode est commencé, puis j'ai comme rien dit, là. C'est tatoué chaud, là. 51, c'est tatoué. Ah, ouais. C'est tout ce que j'avais, hein. Ah, mais... Chris, ben, c'est ça. Là, C'est quoi, 51? C'est des noces de... Ah, Chris, j'ai même pas checké les noces. Bon, ben... Hey, man, à 100, ça va jusqu'à quoi? Ça va jusqu'à 80, je pense. Hmm. Après ça, on va falloir les inventer. Ouais, c'est ça. Ça va, ouais, ça va jusqu'à 80. L'anniversaire de Tauss! 51, c'est Camellia. Ouais. Il y avait un restaurant asiatique au Saguenay qui s'appelait le Camellia. Fait bon? Que tu réserves, il a l'air d'avoir genre 6 tables. T'es sûr que c'était pas le Camellia là? Non, c'est pas... Ouais, mais c'était le Camellia! Mais ouais, une fleur du Japon. Ouais. Fait que. Camellia. C'est pas mal ça. C'est ça, aujourd'hui on est comme une belle petite fleur. Il y a du monde qui ont dit qu'il y avait comme des genres d'interférences weird dans l'épisode 50. Puis là, bon, comme le concept, c'était ça dure 50 minutes pile. Ben là, j'ai comme. Parce que j'ai pas tout coupé ce que j'aurais pu couper, mais bref, le monde a pas détesté ça. Mais bon, il y aura pas d'interférence aujourd'hui, il y aura pas rien, là. On a réglé, parce que là, aujourd'hui, on a Jean-Guy, notre gars des fils, qui est sur le coup. Allô? Ouais, ben lui là, c'est ça, vous vous rappelez de Jean-Guy qui était pas là, il était pas là pendant l'épisode 50 pour éviter ces interférences-là, je sais pas ce qu'il faisait. Ma femme est morte. Ouais là, calé, c'est pas... C'est tout ce que j'avais. À un moment donné, tu décides là, tu sais, le podcast, on t'en a parlé, quand t'es embarqué, c'est all-in. Maintenant, c'est vous, avez... vous êtes tout ce que j'ai là. T'avais pas des enfants à un moment donné? Ils sont tous morts en même temps. Non, c'est tout ce que j'avais. Qu'est-ce qui est arrivé, hein? J'ai joué dans les fils du char, pis c'était le frein pis je savais pas. Pis là, ils ont pas pu freiner pis ils sont morts. C'est de ma faute en plus. Toi, t'es pas mort? J'étais pas avec eux. Ah, c'est sûr, je suis pas brévide de me fuck it, j'en marque même pas dans le truc. J'ai essayé de le crier après pour pas qu'ils partent avec, mais... T'es déjà parti avec? J'étais comme, hey, attention, char. Mais là, j'ai plus rien. Mais c'est une belle anecdote, ça? Qu'est-ce que viens donc faire le show. Non. De la semaine prochaine, s'il vous plaît. C'est pas... Je vais sûrement pleurer. C'est le plus beau... Ça serait le plus beau jour, mais je veux être bon. Ma femme, elle voulait vraiment que je fasse partie du podcast. Elle serait fière. On s'en reparle. Peut-être rien coulé dans le béton. Hein. Ah, c'est qui est lourd. Calisse, hein? Mais non, il essaie de voler le show, en plus. Ça, c'est pas vrai. Voyons que ta famille meurt d'un coup. Ça arrive pas de même, oui. Là. Parce que t'as enlevé les fils de frein ou je sais pas quoi. Ça m'est jamais arrivé, mais... Non, c'est ça. À un moment donné... Ça se peut pas. Mais parlant de passer proche de mourir... Hey, semaine passée, il faisait beau vendredi. Comme dans les premières journées qu'il commençait à faire beau, Moindrement soleil, il fait chaud dehors. Chris, on peut se mettre en short, tabarnak, esti. Waouh, il fait des fêtes gris toute la semaine. Puis là, on se dit, ah, on va aller manger sur une terrasse, là, tu sais, au centre-ville. Il va y avoir du monde. Ben, c'est ça, exactement. Le monde, tu voyais que c'était comme nouveau, qu'il y avait du soleil. Fait que là, tout le monde, déjà en partant, c'était comme. C'est blanc étincelant partout. mais déjà que le monde, tu sais, le monde conduit déjà tout croche, mais là, c'est comme fois 1000 le vendredi, puis tout le monde est comme hypé du tabarnak. Ils font comme. Ça, ils ont jamais vu ça, leur crise de vie. Fait que là, bref, on s'en va aux Trois Brasseurs, lui proche de la station Peel. On y va en Uber, là, pour que ce soit plus simple que trouver un parking au centre-ville. Fait qu'on s'est dit, oh fuck it, on va y aller en Uber, puis on va revenir en métro. On s'installe sur la terrasse, là, puis on mange tout bonnement. Puis à un moment donné, on entend un esti de calice de gros sons de moto, genre vraiment fort. C'est comme. Puis moi, attends, moi j'étais dos aux motos. Sarah, elle a tout vu, mais les deux motos, ils ont tourné de coin. Dans le fond, ils ont tourné la rue où est-ce que la terrasse du Trois Brasseurs allait. Il y en a un qui allait juste fucking vite, qui est passé. Puis il y en a un qui a comme commencé à vouloir déraper. Puis il baladait d'un bord, puis l'autre, puis là, il est tombé. Je l'ai pas vu faire, mais de ce que Sarah me dit, il est tombé sur le côté, il a foncé direct dans le cul d'un char. Aye, aye. Le gars, il a revolé genre 10 pieds en avant. Pis la moto est venue frapper sur le mur de la terrasse, genre direct où est-ce qu'on était assis. Okay. Mais tu sais, elle était quand même à roll sol, fait qu'elle a pas levé, pis tu sais, ça a pas rien défoncé, ça a juste fait POC! Mais moi okay. c'est juste ça que j'ai eu conscience, vu que j'étais de dos à tout ça. C'est POC! Pis c'est weird parce que tu sais, là, Sarah a tout vu ça, fait que tu sais, ça veut pas, ça l'a shaké, là, c'était weird de voir ça live là, pis le dos qui revole pis tout. Pis là, elle voit, tu sais, elle regarde un peu tout le monde, si tout le monde est un peu sous le choc, mais il n'y a pas une estie qui appelle le 911, fait que c'est Sarah qui l'a fait, là, elle appelle le 911. Okay. Pis les autres qui avaient leur téléphone, c'était genre, ils prenaient des snaps ou je sais pas quoi, là, comme. C'était un peu plus, pis ils prenaient pas des selfies avec le gars à terre, là. Là, il s'est comme fait aider, mais par un dude qui disait comme « Hey, là, viens, on va aller cacher ta moto, parce que là, tu peux être dans le trouble. » Comme « Mais hein, calice, c'est pas de même, ça marche, là, tu viens de poquer le cul d'un char, puis le dude, il se tient le chest, comme s'il il avait l'air d'avoir mal que le Christ, là. » Ouais. Fait que bref, il y a eu un, tu sais, la police est arrivée, Sarah leur a dit « Ouais, ils sont allés cacher la moto dans la ruelle, puis tu sais, le serveur a appelé une ambulance, fait qu'il est parti en ambulance, fait qu'il doit être correct, là. » Okay. Mais vrai, c'est weird parce que tu sais, Sarah t'a vraiment shaké de ça. Puis moi, j'ai rien vu là. Ouais. J'ai fucking rien senti. Je suis quelqu'un de nerveux généralement dans vie. Puis là, je l'ai pas réalisé pendant toute la soirée. Puis je le réalise pas encore. C'est comme juste, ok, ça a fait room, ça a fait puck. Puis il y a un char. Puis là, tu sais, vu que c'était sur la terrasse, puis tu sais, la moto fumait. Puis il y avait genre du Preston qui coulait. Tu sais, c'est. Ça rend un réflexe de GTA, tu sais, de char qui fume, c'est comme, t'as une tasse où ça va exploser, là. Parce que, ouais. Tu sais, tout le monde s'est levé, tout le monde a regardé de plus loin. Moi, j'étais encore assis à la table, j'avais ma bière, comme, j'étais le seul assis, puis je regardais, puis je comprenais rien, là. Je fais juste regarder comme un esti d'épais. Ça a pas explosé, puis finalement, Ben non, mais ça explose. Non, c'est ça, c'est pas une. Ben, sûrement, j'imagine pas dans ce cas-là, là. Ce qui coulait, c'était juste du Preston, là, mais j'imagine qu'il y a une façon de. Tu sais, j'imagine que c'est pas systématiquement il fume, ça veut dire qu'il va exploser, mais je connais fuck all là-dedans. Là, ce qui est poche, c'est que vu qu'ils ont fermé une partie de la terrasse, le temps que les pompiers arrivent, mettent de la shit sur le Preston pis tout pour que ça fasse de la poussière, là, ils nous emmenaient en dedans, c'était correct, sauf que là, vu qu'on était plus dans le cercle de notre serveuse, ben on se faisait comme plus servir. Ok. Donc, ok, c'est. Ouais. Aye, aye. C'était une drôle de soirée. On va pas souvent manger au centre-ville, pis c'était une drôle de add-on. Ouais, mais ça. Mais c'est ça. Je sais pas. Ben, en tout cas, n'en déplaise à ceux qui nous aiment pas, hein. Je suis encore là. Fait qu'il va en avoir d'autres. Pas perdu ta femme. Hey, Chris. Ah, arrête donc. De toute façon, on sait que c'est pas vrai, là. Si t'es menteur compulsif. Fais juste t'occuper de passer le piton pour qu'il y ait des interférences. Ouais, c'est ça, arrête. J'ai même plus hâte de parler. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai du marmelade. Yes. J'ai chaud, man. Ah, man, moi aussi. Hey, première grosse journée de chaleur lourde. Là. Ouais, ça va être un été de chaleur lourde. Ouais. Que... J'espère qu'il va y avoir des orages. Ça, j'aime ça. Là. T'aimes ça des orages? Ouais, j'aime vraiment ça. T'aimes ça écouter la TV en disant que Chris, d'un coup, on a eu une panne, là, puis que je fasse plus rien dans le noir. Ça me dérange pas vraiment. À ce temps-là, tu vas t'asseoir dehors, puis tu regardes les orages. Des marches, ouais. Ok. Ou par la fenêtre. Y'a rien d'autre à faire de toute manière. Tu t'assois dehors par la fenêtre? Non, ou par la fenêtre. Pas et. Ouais, mais c'était asseoir. Je comprends pas. Là, je vais décaler ma fan, je pense qu'elle souffle sur mon micro. Hein. Je sais pas, je l'entends pas, man. Moi, j'entendais. Oui, il y a une affaire que. Qu'on devrait faire, qu'on n'a jamais fait dans le podcast. Ouais. On devrait faire des coups de téléphone. Segment coup de téléphone drôle en tabarnak à knack. Ok, je vais appeler dans un commerce. Je vais prendre un commerce au hasard. Puis je vais appeler. Ok. Ok, j'ai composé le numéro, ça sonne. Ok. Allô? Bienvenue chez Arden. Hey, Arden, avez-vous ça des... J'ai d'autres choses à se faire, monsieur. Avez-vous ça des fesses? Monsieur, merci, hein, vous volez de mon temps. mon temps est précieux, je suis en train de plier mon linge, là. Du poil? Bye. Ah, tu sais, rien vu venir, hein? Non, ouais. J'aurais aimé ça penser à quelque chose. Ok, attends, j'en essaye un aussi. Ok, ouais, je pense qu'on... Ouais, ok. Ok, ça appelle. Walmart Saint-Léonard. Saint-Léonard. Saint-Léopard. Hein? Je comprends pas. Allez. Êtes-vous un cougar? Je comprends pas, monsieur. Parlez plus clair. Excusez-moi, madame. Ah, c'est-tu que ça fait un rush d'adrénaline? Aïe, aïe. Ok, j'en fais un autre, pour dire. Okay, ça va être mon dernier à soir, là. Ouais, c'est bon. Pas tout brûler d'un coup, là. Oui, allô, Tim Horton. Tim Horton? Montréal Nord. Tim Horton, avez-vous des... On fait pas de livraison, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Tim Horton, avez-vous des mecs croquettes? Non, ça c'est McDo, monsieur. Oh, c'est-tu, hein? Bye. C'est que ça me donne des frissons, fou, hein? Ouais. Ben, moi, je me retiens, genre, la semaine prochaine, j'en ferai. Ouais, je pense, non, c'est ça, à 3, là. En tout cas, vous étiez... Tabarnak, si, je vous conseille de le faire, mais ça donne un petit... Si, je me sens vivant, là, après avoir fait ça, là. Ouais. Ça donne un petit rush de... Ah, oh, man, est-ce que c'est, j'en ferais 15 millions, mais là... Si, on dirait que je serais pas capable de comment dealer avec ça, là. En tout cas, si vous avez des idées de coup de téléphone... je pense qu'on est parti, là, ça, on peut en faire... on peut devenir comme les nouveaux justiciers masqués. T'en penses? J'ai jamais écouté ça. Non plus. Je sais juste qu'il existe. Comment tu le sais qu'on va être comme eux si t'es jamais écouté? Je sais pas, ils faisaient pas des coups de téléphone. Ça se fait pas rendu illégal ou quelque chose de genre. Ouais? Je sais pas. Attends, là, pas. Voyons, pour vrai? Ouais, je vois pas comment tu peux rendre ça illégal. Ben là, on va s'informer. Mais c'est comme du harcèlement. Parce que tu sais pas, les autres peuvent te poursuivre si tu fais partie de l'émission pis ils veulent pas. Ouais, c'est comme j'imagine c'est comme les trucs juste pour rire, hein. Faut que tu signes avant. Ouais, c'est-tu la même chose si c'est une voix? C'est-tu les mêmes règlements? Vu que c'est juste un appel, pis tu sais, il y a pas, mettons qu'il y a pas d'information pis de nom qui est dit vraiment. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Je sais pas non plus, hein. J'aimerais ça trouver quelque chose là-dessus, mais. Ben, je cherche. Ben, ouais, mais je sais pas. Cherche, qu'est-ce? Ok, y a un truc qui s'appelle. Ben, Chris, c'est sur Yahoo Answers. Is it legal to prank call people? J'imagine que c'est le broadcasté qui l'est pas. Ça dit que le monde, puis même si t'as un numéro privé ou bloqué, t'sais, ils peuvent appeler l'opérateur puis avoir ton numéro. Puis ils disent dans le fond que pas trop s'inquiéter parce que le monde est lazy généralement, puis ils iront pas jusque là, mais c'est une possibilité, genre, en fait. Ok, mais si tu le fais à radio, c'est plus probable. Ouais, en même temps, ouais, je sais pas. Hein. J'imagine si tu prank call la même personne, t'appelles à toutes les minutes, à un moment donné, tu tombes à l'harcèlement, fait que ça, c'est peut-être plus facile. T'avais-tu fait pour vrai quand t'étais plus jeune? La seule fois que je l'ai fait, j'étais avec une amie, genre, pour moi, j'avais genre 9 ans. J'avais pogné un numéro random dans le bottin. Le soir, mon père arrive pis il dit « Hey, t'as-tu appelé mon boss? » Genre, il m'a dit que t'as appelé ou quelque chose de même, genre. J'avais pogné le boss à mon père, genre, dans les numéros random du bottin, calice. Ça avait rien fait, là. J'avais pas, tu sais, genre, je pense qu'on a juste appelé pis on faisait comme « aussi mauvais que tantôt. » Ouais, mon père touche mon père. Après ça, tu sais, mais la don a fait que ça m'a traumatisé à vie d'enfer. J'ai fait comme Chris. Ah ouais, je comprends, ouais. Genre, juste parce que ça a fait le lien comme « Ok, la seule personne que j'appelle, c'est fucking le boss à mon père d'un coup. » Chris, il était pas fâché, c'était une niaiserie, mais tu sais, ça aurait pu être con, là. Mais toi, t'as-tu déjà fait? Ouais, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais que je trouvais ça drôle, mais on s'était fait chicaner un moment donné. D'arrêter d'en faire. Ah ouais, ben, qui vous a chicané? Bon, je sais plus, en fait. Pas ton chpichu? Je me disais. Non, mais c'est ça, je sais plus si c'est mes parents ou ceux-là de mon ami. Je sais plus. Bon, allez, salut. Hein? Il doit nous écouter. Mais ça me fait... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, man. Ça t'énerve... Ça te faisait-tu bizarre quand tu passais l'Halloween de sentir dans les maisons des autres? Oh, Chris. Moi, ça m'obsède. C'est pas ça m'obsède, mais ça me... Je sais pas pourquoi ça... Ça me faisait tout le temps bizarre de sentir l'intérieur d'une maison, genre. Je pense que j'ai jamais remarqué. Ah, ouais. J'ai jamais remarqué l'odeur de la maison. C'est l'affaire que je trouvais weird, c'est quand ils nous forçaient à faire des chansons. Là. Ah, ouais. Chante une chanson. Chante une chanson. Mange ma marde, mange ma marde. Non, non, je sais pas. Je chantais sûrement au clair de la lune. Là. Ouais, sûrement. Sûrement pas. Je sais pas, au clair de la lune. My heart will go on. Mais c'est beau que ça. Tu vois, ça calisse fort. Hein. T'as ton petit frère qui a une flûte. Ouais, qui joue super bien. Tout chante. Ouais. L'autre, il tient une fan, tête du vent dans les cheveux. Ah, pis là, le papa, il pleure. Le papa. Lui qui te donne les bonbons. Mais là, il est tellement touché qu'il est obligé de te donner le sac au complet, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Tu vas toutes les maisons comme. Hey, il vous reste des bonbons? Non, c'est le gars qui chante Céline Dion. Hein. Ah, on n'a rien entendu. Tu veux dire qu'on entend ton père? Ouais. Ben, je peux le rajouter. Je peux le rajouter en poste, à ce moment-là. Ben, non. Non, non. Je peux, on peut refaire à ce moment-là, puis je rajoute le bruit de pète en poste, puis on réagit, puis on trouve ça vraiment drôle. Non, ça va. Sérieux, parce que je peux le faire, on a ce pouvoir-là. Là. Non, on... T'as dit autre sujet? Oui. Mais parlant de péter, ben Chris, c'est tellement, c'est vraiment un très bon... C'est un excellent segue pour vrai. Une autre anecdote de toilette de job, Chris, on dirait que chaque anecdote, à chaque deux semaines, je parle des toilettes à job. Là, j'ai pas revu le métalleux qui faisait des incantations devant le miroir, mais tu sais, les toilettes, mettons, dans celle que je vois, il y a deux, tu sais, c'est une grande salle, c'est pas une salle de bain, mais une toilette avec deux cabines, des urinoirs plus loin, mais deux cabines à côté de l'autre. Puis je pense souvent à celle d'handicapé parce qu'elle est plus loin. Fait que j'espère qu'il n'y a pas d'handicapé qui attend après moi dans ce temps-là. Mais il y a une autre cabine à côté. Puis il y a un dude qui rentre. Puis j'ai jamais vu quelqu'un rentrer aussi sneaky que ça pour aller aux toilettes. Puis man, tu sais, les pieds comme là, je sais pas comment le décrire, mais là, je te le fais dans la webcam. Là, mais tu sais, genre, tu sais, comme smooth, là, comme s'il faisait pas de bruit. Il ouvre la porte. Tu sais, tu te rends même pas de compte. T'es juste aux toilettes, t'entends juste comme. Ben c'est ça! C'est ça qui est arrivé! Genre, moi, ouais, au début, je trouvais ça drôle qu'il soit sneaky. J'ai fait, ah, fuck it, je vais le noter dans mon téléphone. Là, à la minute que je notais ça, il te lâche un crisse de gros. Un bruit, là, digne d'une banque sonore de film, là. Ouais, un esti de beau son de pète, là. J'ai fait comme tabarnak. Tu sais, il sneakait-tu juste parce qu'il avait ultra envie de chier? Ouais, peut-être. Ça, c'était ben, en même temps, ça fait quoi qu'il sneak? Tu sais, mais peut-être parce qu'il s'y bouge trop. Ah, dans le sens, c'est pas qu'il sneakait, mais dans le sens qu'il faisait attention. Oui, c'est ça, plus loin. C'est ça, il cachait pas, mais tu sais, dans le sens... Tu sais, ça fait combien de temps qu'il fait ça? Genre, il a-tu traversé tout l'étage au complet? Il vient-tu de cet étage-là? Il a-tu pris l'ascenseur pour aller chier? Puis il a-tu marché de même de son bureau à là? Il aurait dû rester pour l'interviewer, là. Ouais. Mais faites bien rire, monsieur Sneak. Mais ouais, il fait des beaux petits solos. Nice. Puis je suis parti avec le sourire, fait que... Il a fait, c'est ça, mon anecdote de toilette de la semaine. Moi, j'ai une mini-anecdote plate. C'est plus un, je me demande si ça dit quelque chose sur moi. J'étais en train de courir, je vois un chien, puis j'étais comme, oh, un chien. Puis là, puis j'étais comme, je continue à courir, puis j'étais comme, voyons, je vois une autre personne avec un chien, puis j'étais comme, qu'est-ce, il y a bien du monde avec le chien. Ben, finalement, c'était un bébé, à quatre pattes. J'étais comme, ah, oups, c'était un bébé. Ça m'a fait rire. J'étais comme, ah! C'est parce que t'aimes mieux les chiens que les bébés. Ouais. En ce moment, ouais. Je serais pas prêt à avoir un bébé tout de suite. Donc, tout de suite, là, live dans le podcast, t'as un bébé qui apparaît, t'aimeras pas ça. Hein. Ben là, s'il est là, je vais faire attention, il est vivant puis il est là. Dans le sens, tu sais, avoir le choix, là. Dessus, là. Il apparaît là, il est dans tes bras, t'as un bébé là, là. Dans le podcast, on enregistre puis ça apparaît là. Poup! Ben, si je sais qu'il vient de moi, peut-être plus. Sinon, je vais être comme... Mais hey, c'est juste un bébé. Tu sais pas d'où il vient. Il est apparu là. T'as un bébé là, il apparaît dans le podcast. On l'entend ça... là. Ouais, ça peut-tu être un extraterrestre ou un bonhomme avec des pouvoirs? Ben, peut-être. Mais ça, on sait pas. C'est juste un bébé. Hein. Tu sais, finalement, il est juste comme un peu... Genre, un peu comme lent. Tu sais, pas retard. Pas handicapé ou quoi que ce soit. Juste, t'es comme... Ah ouais, mais c'est... Genre, t'es comme... T'as juste super espoir. Mais finalement, c'est juste quelqu'un de bien normal, un peu poche. Très triste. C'est le Toby dans... C'est Toby dans The Office, là. Oh! Est-ce que j'aimais ça? No! No! No! God, please, no! No! No! No! C'est un enfant qui se fait haïr par tout le monde qui parle pas vite. Ah, pauvre petit, hein. Fait que t'as un bébé, là... Oui, je pense que oui. T'arrêtes-tu d'enregistrer le podcast ou tu te gardes dans tes broches quand t'as qu'il pleure pas? Ben non, ben là, il vient d'apparaître, ça remet le monde en général en question, mais ouais, je non. Pense que j'arrêterais le podcast à l'instant. Ben, faut, je sais pas, moi je serais comment tu justifies ça? Ok, j'arrête d'enregistrer là, il y a un bébé qui est apparu dans mes bras. Ben, c'est pas mal ça, je pense que si ça arrive pour vrai, je pense que j'y penserais même pas, je ferais juste fermer, je m'en irais, genre, tu sais, tu vas juste faire comme tu t'en irais avec le bébé, tu le laisserais là? Ben non, je m'en irais avec, tu... et automatiquement... si je le laisse, ouais, automatiquement, ouais. Le bébé, il apparaît, tu t'as le réflexe de le prendre. Là. C'est pas comme, ben oui, what the fuck, oui. Un bébé, là, pis t'es pas... Ben, pas, c'est un piège, je le poquerais peut-être un peu avant, tu sais, tu pognes une baguette pour voir s'il crache du feu, je sais pas quoi. Tu sais, viens d'apparaître, tout est possible. Tu mets un demi, là, en avant, là. Allô? Tu sais, si tu commences à tirer des boulettes de papier, genre, ping, ping, pis là, il pleure, pis t'es comme, ah, fuck, pouk, pouk, pouk, pouk. OK, j'avais pas l'air, y'a-tu des dents normales, tu gosses avec ton doigt. Mais là, en plus, il est peut-être poison, c'est dangereux. Comment tu testes ça s'il est poison, man? Ouais, faut que tu le fasses licher à quelqu'un, hein? Non, je... Liche le bébé! Ben, pique ton doigt sur ses dents. Ouais, mais là, il doit pas avoir de dents, c'est un bébé. Il doit... Ben, ça je pousse sais pas, il est peut-être... Ben, ça pousse un moment donné. Ben, là, je sais pas, j'ai jamais eu de bébé. Ben, je sais pas, il arrive à quelle heure? À quelle heure? Je sais pas, Chris, Mandy, d'un coup, qui parle. Peut-être. Hey, parle-moi! Si mettons, ok, mettons le bébé il apparaît. Toi? Ouais, je sais pas, hein. Il apparaît, tu sais, là, il apparaît sur mon bureau. C'est un bébé. Fait que moi, dans ma tête, il est vanille, là. Non, mais ça dépend. C'est parce que les nouveaux-nés, là, genre, qui sont minuscules, qui viennent de sortir, ça, c'est lait. Ça a l'air à des. Ah, ouais, je l'imaginais pas au nouveau-né. Je l'imaginais relativement établi d'une semaine. Il y a même un pyjama, là. Ok, je trouve que ça, pourquoi je l'imaginais en pyjama? Il devrait être tout nu s'il apparaît de nulle part, je m'imagine. Il va avoir un peu une face de bébé. Tu peux voir au moins s'il commence à te ressembler un petit peu. Ben ouais. Mettons qu'il est vanille, puis mettons, pour les biens de l'expérience, il est blanc, pour qu'on doute qu'il soit peut-être de nous autres ou pas. Là. S'il est noir, ouais, ça corrige la question. Comme, ah, ben non. What? Ben non, c'est toi avec une genre ta blonde noire ou... Ben oui, mais c'est pas tu le cas là, présentement? Tu en mets ça en... Ben ouais, mais non, mais... Il y a un bébé qui apparaît, être, c'est toi, puis là, ta blonde apparaît hasard. Dans la porte, puis c'est plus Lucie, c'est une femme noire que t'as jamais rencontrée de ta crise de vie. C'est toute ta vie qui c'est change, ça, c'est ça, c'est rendu ta nouvelle vie d'un coup. Là. Ah, puis là, tu te rends compte, c'est ta voix, puis c'est comme tu te rappelles tout du passé, puis c'est comme... Ah, oh, tu tombes, puis tu pleures, là. Ah, man! T'es comme, wow, toute ma vie, c'était un mensonge avant, là. Tu réécouterais-tu le podcast, moi? Ouais. Forcément, t'as parlé de ton ancienne vie. Là. Ça fait comme que ça doit être des épisodes assez spéciaux. J'ai toujours eu peur de ça, genre de... Que des fois, tu te rappelles de trucs qui ça n'a pas existé, mais tu te rends compte qu'une grosse partie de ta vie, c'est pas vrai. Ou que tout d'un coup, tu dois genre 10 ans plus tard. Tu sais, c'était comme... Ouais. T'as juste oublié le reste. T'es comme, pas... Hey, Chris, voilà, j'ai 38 ans. Surtout, il y a tellement de monde qui t'en parle d'affaires d'amour, comme, oh, ça a passé vite, là, pis là... Ouais, mais comme. Puis, tu sais, là, on remarque, mine de rien, qu'on dirait que plus tu vieillis, plus tout passe vite, là. Ouais. Je sais pas si ça vient du fait. Oui, tu as plus de choses à faire, mais il y a aussi que t'as ça doit être... vécu plus. Ouais, c'est ça. Tu dois avoir une meilleure idée du temps, peut-être, je sais pas, là. Ouais, c'est ça. Genre, t'as pas rien pour comparer. Ouais. T'as pas de comparatif quand t'étais au secondaire, puis tu trouves tes cours longs, t'as l'impression que ça dure 15 ans. Ça. T'as jamais vécu ouais, puis là, 15 ans. C'est ça, puis là, tu vas au cégep, c'est des cours de 3 heures, puis ça passe quand même vite. Ouais, c'est ça. Okay, c'était 50 minutes, puis je trouvais ça long, voyons donc. Ah, man, c'est vrai, c'était pas tant long, secondaire, les cours, mais en tout cas... Hey, non, man, c'était genre 50 minutes, puis après ça, tu parlais. Ah non, c'est ça, les cours, c'est fou, hein, de... À quel point ça change, ça, c'est petit... Ça, je pense que c'est tout le temps, en général, dans la vie, man, tout est genre des trucs un peu de comparaison, là. Comme l'entraînement, c'est genre... crissement dur, au début, de monter genre à 5 km, puis après ça, aussi que tu montes, tu fais une fois plus haut que 5 km, le 5 km, t'es comme, ouais, mais c'est facile, j'ai fait plus haut que ça, genre, ouais. Là, c'était tellement dur, puis là, t'es comme, ouais, c'est pas si pire. Ça, je sais pas si c'est ça. Ça doit venir un peu de la même place, là. Ouais, parce que il y a aussi que j'imagine, c'est que t'as tellement vécu, tu te rappelles tellement de moments que la journée qui s'en vient, c'est par rapport à tout ce que t'as vécu, est pas mal moins important que quand t'es petit, hein. Non, que okay, ouais, que c'est juste ça, là. Que ouais, tu connais, c'est ça qui existe. Point. Ouais. Ça, pis des souvenirs de rêves bizarres, pis des. Ah ouais. J'avais-tu compté ça? Un des seuls rêves que je me rappelle que j'avais fait quand j'étais petit, c'était... Puis je trouvais ça donc cool que j'aille rêver à ça. C'était genre, j'étais dans l'espace, puis il y avait un tyrannosaure qui m'amenait un plateau de légumes. Puis là, il y avait des carottes, puis il y avait des carottes blanches puis oranges. Puis là, genre, je l'avais goûté, puis j'étais comme, « Hey, tes carottes sont fraîches! » Je m'étais réveillé. je trouvais ça vraiment malade, genre, d'avoir fait ça, d'avoir goûté que c'était froid, puis d'avoir répondu que c'était froid, genre, j'avais compté à tous mes amis, j'étais okay, donc fier. Tu trouvais ça malade de l'avoir ressenti, ou tu trouvais malade d'avoir de l'attitude en face d'un fucking dinosaure? Ouais, mais il m'a amené un plateau, il était comme un peu humanoïde, je pense. Ah mais Chris, il niaiserait pas le puck, il a quand même une grosse bouche, non? Ouais, petit... c'est vague ça, man. Décris, c'est le genre d'affaire que tu te dis, ah oui, je le savais que c'était un tyrannosaure, mais t'as vu genre une main. Non, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça, ben, ça, on a parlé, de ça fait longtemps, là, d'un vieux épisode, mais tu sais, quand tu rêves, t'es-tu en train de rêver à ça, ou c'est qu'en te réveillant, tu t'associes ce que t'as rêvé à quelque chose que tu connais plus, fait que ça devient ça. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça des fois, parce que on dirait que des fois, c'est pas clair ce qui se passe dans la tête, mais d'instinct, tu sais qu'une shape floue, c'est ça. Puis quand tu t'en rappelles après, c'est plus clair, mais c'est pas ça que t'as rêvé. Je pense qu'il y a aussi que c'est genre le rêve, c'est... J'imagine, c'est genre ton cerveau qui le crée, puis fait que tu vas voir des trucs, mais il y a des affaires que tu sais ou qui se lient avec des trucs que tu penses. Mais je sais que c'est genre souvent les... Tu sais, il y a comme une différence entre... le bout où je vais avoir aucune logique, puis à un moment donné, il y a de quoi qui va arriver, puis je vais me mettre à penser pour vrai. T'sais, dans ça, c'est pas dissocié, c'est pas genre un rêve, puis à quoi je pense. C'est genre, mettons, il y a des trucs, ça s'en vient, genre sexer quelqu'un de random, puis là, à un moment donné, je fais « Oh my God, c'est vrai, j'ai une blonde, je suis genre avec Lucie. » Aussitôt, le rêve, ça devient ça, genre, c'est moi qui, là, c'est comme, il y a un trigger, puis là, on dirait que ça... Ça gâche toute ta fantaisie. Ouais, puis ça fait juste que c'est comme si je me réveillais dans le rêve, mais je parle... Tu sais, il y a aussi un peu de ça, c'est l'idée que tu... Ouais. T'avais pas de lien, finalement, avec ce que tu dis? Non, mais on parlait de rêve. Mais tu sais, moi, on dirait que quand j'ai cette révélation-là, puis que je me réveille, même dans une situation sexée, là, on va dire tout de même, c'est canon, ça, qu'on dit ça tout le temps comme ça, comme sexé. Des hosties awkward. Ouais, c'est ça, regarde, de dire, hey, c'est ça que ça s'en vient un peu sexuel. Ben, en même temps, j'allais dire sexuel, ça fait-tu l'air? Ça, c'est comme un prof ou un papa qui dit... uriner ou déféquer, genre. Tu vas jamais dire ça pour vrai. Oh, j'ai envie de déféquer. Mais un papa, mais là, parce qu'il t'as ça, un papa? Je sais pas. C'est un papa ou un prof, c'est un peu le même. Moi, c'est ben, un prof, on dirait qu'un prof, je m'attends à ce qu'ils disent déféquer s'il y a moindrement une belle parlure. Mais un papa, je sais pas. Sûr, mon papa, il a pas l'addiction de Bernard Pivot, fait que c'est pas... S'il dit déféquer, je serais surpris en tabarnak. Vraiment, je rirais pendant 2 heures. Ouais, c'est... Ah, mais tu sais, il y a des fois des odeurs d'urine. Puis t'es comme, t'as, il dit que ça sent la pisse, là. C'est genre, tu me parles à moi, là. C'est pas une dissertation, là. J'allais dire, ouais, bref, tu sais, peu importe le moment, mais quand je me réveille, souvent, ce qui est en train de se passer, se passe plus. Ben, j'essaie de prendre contrôle de qu'est-ce qui se passe, pis ça marche plus, pis on dirait que j'ai pas. On dirait que je perds le contrôle sur le scénario, mais je gagne le contrôle sur moi. Ok, ouais. Genre, y a pas les deux, c'est. Je peux pas faire apparaître de quoi, mais je peux penser. C'est un fade out, ça, aussitôt que c'est genre la logique qui rentre, là. C'est vrai. Mais ouais. Genre, ouais, ça, tu te réveilles tranquillement, j'imagine. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais. Mais je sais pas, c'est ça, les affaires de... Tu sais, tu vois quelqu'un, ben, t'assumes quelque chose, je sais pas si c'est le même principe que, tu sais, le rêve crée des... Ça crée du visuel, mais ça crée aussi des fausses pensées, hein. Dans le sens où le rêve, autant qu'il crée toi qui regarde un comptoir, mettons, il crée aussi l'idée que t'as que t'es sur une planète, même si tu l'as pas vu, mais dans ta tête, dans le rêve, tu sais que t'es sur une planète, genre... Ouais, mais... Ah, mais ben, planète, mais c'est le pire crise d'exemple, mais disons ça, c'est comme le tyrannosaure. Ouais, mais là, si ça te donne l'impression que tu penses, rendu là, tu t'es pas en train de penser. Dans le sens, c'est pas... Qu'est-ce qui fait que c'est pas la même chose? Parce que c'est inconscient? Ou ça te donne l'impression que, mais c'est pas toi qui... Ouais, je pense que oui, c'est... Ben, c'est ouais, je sais pas. Ça, je sais pas, man. Ouais, là, c'est dur. Je sais pas. J'ai l'impression que tout se passe dans ta tête. J'imagine, si tu rêves que t'es sur un haricot noir géant, mais forcément, t'es pas sur un haricot noir géant, mais si tu rêves, tu penses, là, je pense. Non? Je sais pas. C'est pas parce que tu penses que tu vois, c'est tu le vois pas. C'est ta tête qui te fait croire que tu vois quelque chose. C'est dans le sens, c'est pas tes yeux qui vont capter ça, c'est ton cerveau qui crée cette image-là. Ouais, c'est pas ton œil c'est pas la lumière qui fait ça dans tes yeux. Mais t'as pas des souvenirs clairs de toi qui pense dans un rêve ou qui réfléchit à quelque chose, puis que... Fait que, tu sais, je sais pas. J'ai pas l'impression que c'est dissocié, vu que c'est peut-être... Non, c'est pas dissocié, mais dans le sens, c'est pas... Y a pas comme... Je pense pas qu'il y ait la pensée hors rêve, la pensée rêve. J'ai l'impression que ce serait la même chose, puis ça vient de la même place, là, vu que tout se passe dans la tête en partant, là. Ah, oui. Non, mais ce que je disais, c'est plus les trucs que t'imagines... Tu sais, les trucs que tu vois pas, mais tu sais qu'ils sont là. C'est le même principe que ça crée cette pensée-là de plus, mais ça crée pas une nouvelle pensée. Tu sais, c'était pas genre toi qui rêve à toi qui rêve. Non, mais c'est pas... Non, mais... Tu sais, c'est dans le sens de... je regarde, mettons, une carte, puis dans le rêve, je sais c'est quoi la valeur de la carte, mais la pensée, la valeur de la carte est autant créée que l'image que je vois. Ok, dans ce sens-là, ouais, mais c'est-tu... Ouais, forcément. Okay. Ouais, j'imagine. Ouais. Ah, c'est compliqué. Il faudrait avoir un expert sur les rêves à un moment donné sur le podcast. Ça serait. Ben, là, ça fait. On a un appel! On a un appel, Chris. Ben, on va prendre l'appel. Allô, les sorbets du caractère mou. Stéphane à l'appareil. Bonjour! Allô? Je m'appelle. Attends, fuck. Attends, fuck. C'est canon, ça. Piesou! Piesou! Madame Piesou! C'est Piesou, Piesou! Piesou! Piesou, Madame Piesou! C'est un nom français! Oui. Ça vient-tu de Je lis les rêves! Tu lis... Oui! Oui, si vous perdez des dents, vous aurez de l'argent! Puis le rêve, vous, le rêve à Mathieu du raptor qui amène un plateau de légumes, que Mathieu trouve sa foi, ça dit quoi ça? Oh, qu'il devrait manger des légumes! C'est tout? C'est pas... Mais il a trouvé ça froid, ça veut pas rien dire? Le raptor, il influence rien? Les légumes étaient juste froids. Mais Chris, c'est un dinosaure humanoïde. Ça a aucune valeur, ça. Mais je crois pas aux dinosaures. Non, ça mène à rien. Je voulais essayer de quoi, mais non. C'est moi qui t'ai pas amené à la bonne place? Oui. Non, c'est moi. Je voulais essayer de faire genre qu'il y ait comme juste trop de base dans les trucs de rêve, mais c'est j'ai rien. Ça a juste pas marché. C'est peut-être ça qu'on devrait plus faire, genre... Arrêtez des appels. Si on le sent pas, juste dire ok, on l'enlève, c'est tout. Tu dis qu'on devrait plus faire, se parler du fait qu'on devrait plus s'en faire de ça. À l'aquarium de Matane, Matane pas d'aller là. Il y a beaucoup de vagues, mais il y a aussi beaucoup de concret. Des belugas. Il y a même des beloufilles puis des beloutrans. Moi, je suis allé voir les méduses. Moi, je voudrais les métruses. Vous empêchez de voir nos tortues? Ça serait de la torture. Un spectacle de requins qui font des tours. C'est complètement requinbolesque. Nager avec les dauphins. Maintenant sans danger depuis le retrait des dauphins. Venez voir la nouvelle baleine. Mais aussi la nouvelle manteau cuir. Vous voulez venir nous voir en train? Profitez du forfait Via Corail. Venez à notre restaurant. Essayez notre menu à la carpe. Venez toucher nos raies. Oh non, pas pour celle-là. Non, Chris, c'était quoi ça? Hey, mais là... Excuse-moi. C'était-tu? Tu bloques pas les interférences? Ouais, mais c'est de plus en plus dur. Chris, t'as pas rien qu'un piton à peser. En tout cas, bref, on s'excuse, là. On avait dit qu'il n'aurait pas de ça. Mange ma mort. Hey, qu'est-ce que t'as dit? Les chats en balade. Ok. Ouais. Dis-tu qu'on a jamais vu dans un truc humoristique? Quelqu'un qui dit quelque chose puis qui le répète avec des mots qui ressemblent, qui sont moins vulgaires. Jamais que ça s'est vu. Jamais que ça s'est vu. Hey, t'avais pas un cabaret des sorbets? Ben, peut-être. Cabaret des sorbets! Tabarnak, ok, go. Ok, salut tout le monde, on va accueillir le prochain, un humoriste qui fait juste de mauvaises blagues de chien. Et on l'accueille! Hey, salut tout le monde, ça va bien? Savez-vous c'est quoi la chanson des Spice Girls préférée des chiens? If you wanna be my schnauzer. Merci tout le monde, et on se revoit au... Nice. J'ai pas dit que c'était. Mais c'était, ça, c'était live, hein? C'est la petite cave au sourire. Ben, ouais, on n'a jamais parlé c'était où, mais c'était la petite cave au sourire. Non, c'est un open mic. Ouais, c'est la petite cave au sourire. Ouais, c'est compliqué. Mais ça, les open mic, là, sont bien spéciales parce qu'ils durent une blague. Ouais, t'as une blague. T'as ça une blague, pas, tu t'en vas, tu peux jamais retourner. Puis le truc, c'est que ça rit jamais. Fait que c'est toujours non, une blague. Non, mais c'est genre, ils rentrent comme 6 personnes, c'est le monde qui participe, ils veulent pas rire parce qu'ils veulent que tu t'en ailles. Non, c'est ça, c'est rendu ça la soirée, c'est comme le monde s'assoit là, puis ils se croisent les bras, puis ils réagissent pas. Hein. C'est ça. C'est genre le cabaret des souris, mon cul. C'est quoi? Place des petits souris. La cave des petits souris. Cave des petits souris, mon cul. Petits souris certains, ça fait juste ça, des petits sourires en coin. Ouais. Des petits ouais, parce qu'ils ritouillent les cris, ils se jugent tout. Des petits heures de tabarnak, là. Ouais. Hey, on a un appel. Oh, allô? Hey, salut les gars. Salut, c'est Elvis? Non, non. Ben écoute, je viens d'entendre le cabaret des sorbets, là. Moi, ben, je suis un imitateur. Ok. Moi, puis là, j'ai... Vous imitez quoi? Ah, tout. J'imite tout. Je me demandais s'il y a-t-il moyen de rentrer dans votre... Je vais aller faire ça, moi, l'open mic. Je peux aller faire des imitations, là. Ouais, ben faudrait... Faites un exemple, là. Ben, qui tu veux que je fasse? Oh, J'ai dit, okay, attends, j'ai fait tout. Guillaume Lepage. Allô, ici Guillaume Lepage. Ça va être coupé au montage. Rock et belles oreilles. Allô? Hein? Ok. Sinon, Steve, de Jamais Content. Tue-toi. Ta gueule. Va chier. Défenestre-toi. Mange marais. Est-ce que tu dépêches toutes les choses? Hey, écoute, ben, on peut envoyer genre cet extrait-là à Cap des petits sourires, puis on va voir s'ils veulent que t'ailles essayer. T'en as pas d'autres, là, je suis parti. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est un open mic, tu y vas comme tu veux, c'est le principe d'un open mic, man. Ah, ben, c'est pas moi, mais je sais pas c'est où. Tu cherches la Cap des petits sourires sur Internet, tu vas trouver. Cap des petits sourires, bon, je vais noter ça. Attends, ouais. Je vais prendre mon crayon, là. Ok, comment t'écris ça? La cave des petits sourires. Attends. La comme L-A. L-A. Hein? L-A. Je suis rendu à L-A. L-A. Je vais pas épeler la cave des petits sourires, man. C'est ben trop long. Mais attends. L-A. C. Si t'es pas capable d'épeler ça, je pense pas que t'es bon. Bye. C. A. J'appelle pas ça, man. Ben trop long. A. C. V-E. V. D-E-S-P-E-T-I-T-S. S-O-U-R-I-R-E-S. S. Attends, c'est quoi après S? Mais fais attention, c'est pas le cave des petites souris. Lui, il fait peur un peu, il joue avec les souris, il les met dans ses fesses. V. Ben ouais, mais laisse-nous sur ta meilleure imitation. On va essayer de trouver c'est qui. Ok. Viande à chien! Viande à chien, Donaldo! Donaldo, viande à chien! Le bird, Donaldo! Viande à chien! Viande à chien! Alright, hey, ça finit sur une bonne note, merci. Ouais, fais un plaisir, merci. Bye. Pour la tribune. Bye. Tu penses que c'était qui, Stéphane, qui a imité le à dernier, fin? Hey, c'est. Je suis pas sûr. C'est soit Méo d'un Boys ou Marc Arcan. Ah, ok. Ouais. Hey, j'étais allé voir une pièce de théâtre, puis il y avait l'acteur qui jouait avec Marc Arcan. Il se battait avec des Nunchaku? Non, mais il est petit en crise. Non, mais là, il est pas. Ouais, ça paraît pas dans le show qu'il est minus. Bah oui, oui aussi. Mais quand je n'en verrais pas chier, là, il fait assez peur dans le show que je fais comme, ok, je vais être gentil avec toi, monsieur Arcan. Ouais, c'est ça, écris ça. Je sais pas son nom. Mais... Non, on rappelle plus. On fait-tu un drano? T'es-tu en forme pour un drano? Bon, on peut essayer, voir où ça mène. De toute manière, on a déjà notre 5. Bof, on a quasiment notre 5 ans. Chanson thème. Hey, aujourd'hui, on inverse la formule. C'est moi qui va faire le maître de jeu. C'est pas comme si c'était tant nouveau que ça. On a quasiment failli en partir un l'autre jour, puis on l'a juste pas fait. On a parti le thème pareil. Donc là, c'est vrai, là on a parti le thème, mais ça se passe, là. OK. Bon. Hey, mise en situation rapide. Stéphane, t'es un plombier niveau 10, grand maître des tuyaux en PVC et du débouchage de conduits en tout genre. Ok, je viens d'où? Tu viens d'Abitibi-Témiscamingue. T'es né là, puis là, ça fait genre 2 ans que t'es à Montréal, mais tu montes rapidement les échelons. Le monde aime vraiment tes services. Tu vas droit au but. T'es capable de te débrouiller dans tous les problèmes qui arrivent dans l'univers de donjons et drano. J'ai tué beaucoup d'entre-gens. Oui, puis c'est vrai, la dernière fois, il fallait rouler ça. Et. Ah, t'as un pénis assez moyen. Bon, ben, c'est correct. I can relate. On rappelle le bébé Martin Deschamps. Ouais, donc, OK. Lui avec le petit bout. Tu viens de te faire appeler par une vieille madame. Elle avait l'air un petit peu confuse. Je pense que son problème de tuyau presse. Fait que tu sors rapidement. OK, je suis dans mon bureau, maison. Dans ma maison. OK, moi, j'ai ben, ton bureau, c'est... En gros, t'as une salle dans ta maison que... Que c'est ma, c'est ma tout place. Ton avec... okay. Ouais, puis tout ton équipement est dans ta van, dans ruelle. Si elle m'a appelé ou c'est comme un... Ouais, elle t'a appelé. Okay, t'as appelé, t'as comme un téléphone rouge. OK, mais c'est sur ma ligne résidentielle ou c'est comme mon cellulaire? C'est ton cellulaire. OK, je sais pas. Mais on peut faire l'appel, si tu veux. Je suis pas le style fou qui... Bring, mais bring. Pas, faut plus faire l'appel. OK, ben, allô, plomberie, c'est quoi mon nom? Ben, décide. Plomberie, Ben, décide. Oui, allô? Ouais, que je peux faire pour vous, monsieur? Ma toilette n'en voit plus. J'ai envoyé 4 fois et ça coule partout maintenant. C'est quoi ça, des courriels? C'est pas ça. Ma toilette! Ouais, ok. C'est une blague, madame. Ok, ben, c'est. Oui, il va gagner. Ouais, ah, mais on a oublié de le dire. T'as. Genre, côté humour, là, t'as roulé un 2. Genre, c'est comme 2 sur 100. Hein. Ben, ça paraissait pas. Ben, non, mais c'est ça. C'est normal. Mais c'est comme touché. Genre, c'est comme. Si t'as à choisir entre dextérité et humour, essaye plus un jet de dextérité. Ok, bon, ben. Ou ça peut donner des situations assez cocasses. Ok, je lui compte une blague. Ben, qu'on dit une blague. Ok, ben, madame, une fois, une toilette, ça débouchait pas, ben, elle tombait dans la rue, ben, elle déblait les marches. C'est quasiment insultant. Attends, je vais tirer le dé parce que tu l'as insulté, puis ça va peut-être annuler l'appel. Ben là, on t'a rendu après. Ah non, tantôt. Ok, t'es correct. Elle le rit. Vous êtes louche, mais au moins, on voit que vous avez les valeurs aux bonnes places. Donnez-moi votre adresse, pensez madame. Pensez pas juste à rire, vous pensez à déboucher. J'ai un trou présentement, là. Je peux y aller maintenant. Je peux avoir votre adresse, ça vous fait. Ouais. Ça marche, là? 3234 rue des Bonbons. Parfait, rue des Bonbons. Je m'en vais là tout de suite. Moi, j'ai roulé un 2 en impro. Ok, parfait. Fait que Ben décide, raccroche et ouais. Il s'en va direct dans sa van. Exactement, tu pars à la course rapidement en faisant bien attention de barrer ta. Oh non! T'oublies de barrer ta porte, fait que tu sors dehors, tu cours à ta voiture. Fait que là, tu rentres dans ton camion, t'essayes de décoller ta van. Calice, man, t'as pété la clé dedans. Voyons, Chris, je peux-tu. Ça va pas bien, man. J'ai-tu des skills là, de voleur de char, moi? Ben, ouais, qu'est-ce que tu fais? Ben, je peux-tu essayer de faire le truc des fils, là? J'ai-tu. Ouais, ouais. Ça, c'est ton. T'es quand même bon en tout ce qui est comme manuel. Ok. On va essayer un tir. Chris, t'as réussi à défaire un petit panneau, mais là, il y a 2 fils. Tu sais pas lequel prendre. Il y a un bleu puis un rouge. Tu sais pas quel couper. Ben, il y a 2 fils. Ok, ouais. Ok, ben, je vais couper le rouge. Oh, bonne réponse. Ça, les voitures, moi. Ouais, bonne réponse. C'est... Moi non plus. Ben décide qu'on ait ça, là. Il l'a eu. Ah, right. Hein, ça t'a donné un 5 d'expérience. Nice. Moi, donc là, une fois que tu démarres, tu te rends à son adresse. Quoi, son adresse? 34, 35, rue des Bonbons. Ouais. Quelque chose du genre. Ok, là t'es devant c'est un appartement, tu t'en rends compte. Donc là t'es comme. Ah, es-tu au rez-de-chaussée ou faut que je monte des marches? Tu le sais pas. Parce qu'il t'a pas dit que c'était un appartement. Là, ah, calé, c'est vrai. Mais là faut que je rappelle la madame. Ouais, mais là tout ce que t'as c'est une porte, t'as les 12 sonnettes à droite. Ben là j'ai pas de téléphone sur moi? Ben oui. Je peux-tu prendre mon téléphone puis l'appeler? Ben tu peux essayer. Ok, je fais ça. Ah. Allô? Madame, je suis en face de votre appartement, j'ai pas votre adresse. C'est le 3, dépêchez-vous. Tabarnak, t'as pas snayé, viens, merci. Je vais raccroche mon téléphone, ben j'ai pas donné appel illimité. Ouais, le jour. Sur un budget. J'ai un forfait de marde, fait que j'appuie sur la sonnette 3. Alright. Après avoir sonné 2-3 fois puis d'avoir essayé d'ouvrir la porte mais que la madame tienne pas assez la sonnette, fait qu'elle alors juste avant quand t'essayes de l'ouvrir, t'as réussi à rentrer. Là tu montes à la porte numéro 3. Ouais, là t'essayes de l'ouvrir mais c'est barré. Qu'est-ce que tu fais? Ben je cogne. Pourquoi j'ai essayé de l'ouvrir avant même que je cogne, Chris? C'est quoi ça? Ouais, t'es un gros colon, c'est pas moi. Ok, bon. Tu penses que t'es meilleur que tout le monde, pis c'est donc important. Ok. Moi, je m'attendais à ce qu'elle m'attende, pis ok, ben je cogne après, pis je fais, voyons, madame, je suis arrivé, là, je vous ai appelé. Répond pas. Ben le calice, y a-tu ce genre d'appartement qui ont un concierge, là, ou c'est des... Je peux aller en bas voir s'il y a un... Tu peux. Je vais aller en bas voir s'il y a une espèce de bout ou s'il y a un concierge, une espèce de local okay. Louche, là. Ouais, fait que là, tu descends les marches. En gros, l'appartement 3 était juste au-dessus des marches, c'était juste un étage. En bas, t'as le rez-de-chaussée, puis il y a 2 appartements. OK. Puis, juste en avant de la porte de l'entrée, il y avait justement une porte de concierge. La porte est fermée. Ben, en fait, non, étant ouverte, tu peux entendre un peu de musique en arrière. OK, je peux-tu, comme m'approcher, me mettre la face dans le crack? Ouais, tu fais ça, puis là, tu vois un monsieur qui est assis. Qu'est-ce que tu veux? Fait qu'il y a eu un vu de suite. Monsieur, je suis plombier, me présente. Ben décide, je vais. J'ai une madame qui m'a appelé à l'appartement 3. Oh, madame Zopla. Oui, je pense, j'ai même pas demandé son nom. C'est le cinquième plombier, ça. Cinquième. J'ai pas revu un, moi. Allez, peut-être qu'ils font des mauvais jobs, je sais pas. Je veux, écoute, moi, je veux. Ils sont jamais redescendus. Ok. Peut-être qu'ils sont par rapport passé. Moi, je vois plus dans cet appartement-là. C'est normal qu'elle soit barrée. Ça a l'air que c'est des. Il y a le démon du tuyau, là. Là, je suis mieux de juste canceller ça pour rentrer chez nous aussi. Non, mais automatiquement, toi, avec ton savoir des arcanes de la plomberie. Non, ouais, moi, c'est un défi, là. Ouais, mais non, mais c'est ça, exactement. Tu sais exactement c'est quoi. Il y a trop de moi dans ce personnage-là, ok. Ah, oh, ouais. C'est pas ça qui me fait peur, moi, des démons. J'suis un plombier, Chris. J'ai le meilleur plombier en ville. C'est moi, Ben décide. Je viens d'Abitibi, moi, Chris. J'ai pas d'accent, là, mais. Tu peux bien te débarrer à la porte. Mais après ça, je garantis rien, je suis averti. Ok. Pis là, il se lève, c'est fucking long. Tu vois que ça fait longtemps qu'il bouge plus beaucoup. Pis là, il pue le calice en plus quand il passe en avant de toi. Fait que là, il monte les marches, c'est long. Tu vois qu'il a mal au dos, il se tient. Je peux-tu moi aussi? Non, toi, tu peux. Non, parce que toi, t'es genre. Tu prônes à fond, peu importe la tuyauterie. T'aimes ça, fait que genre, même tes canaux. Genre, ton œsophage pis tes poumons, faut que ça soit propre. Ah, ok. Je suis propre que le tabarnak, là. J'suis un gros colon propre. Ouais, exact. Genre, le douche. Ah, mais un cerveau, c'est pas déconduit. C'est ça. Ok. Bon, fait que là, vous êtes rendu devant la porte. Il y a des bords. Là, il ouvre la porte. Fait noir que le Christ, ça sent la marde. Bon. Bonne chance. Pis il s'en va. En sifflotant. Là, il est parti. C'est un cliffhanger, ça, mais on continue. C'est comme tu veux. Comme tu veux. Tu sens qu'on peut splitter ça en plusieurs shots. Ça me dérange ouais, pas. Ouais, attendons au prochain. Ok, ben, cliffhanger, hein? Ben décide, devant la porte, fait noir, ça sent la marde. Mais il va enfin rentrer chez la madame, on sait pas ce qui va arriver. Ouais. Je vais essayer de travailler sur le personnage, que ce soit moins moi, puis que ce soit plus Ben. Ouais, puis moi, je vais essayer de faire de quoi juste pour avoir du vocabulaire autre que arcane des tuyaux. Arcane de la plomberie. C'est quand même, il y a quelque chose de très cool, là, dans arcane des tuyaux. Mais je veux créer une genre de mythologie par rapport avec, genre, la plomberie. Hein. Mais c'est clair que t'es un meilleur DM que moi, là. On s'entend que cette version-là. Ouf. Non, la date, ouais. Ben, les gens, ils nous le diront, hein, qui préfèrent en DM. Ouais. Quel personnage qu'il préfère, Ben décide ou... fuck, c'est quoi le nom de l'autre? Ah, je sais plus. Y a-t-il un nom? Il y avait pas... Il s'appelait... Je m'en souviens pas. Fuck. Tabarnak. Ok, ben, c'est écrit dans la description. Faut aller voir la description des fois. Je pense pas. Je pense que tu marques juste segment Donjon et Drano. Ouais, hein. Ouais. Calice de mauvais écriveur de description de tabarnak. Ah, mais en même temps, tu peux pas tout décrire l'épisode. Ben oui. Au début, c'était ça. C'était un transcript mot pour mot de ce qu'on disait. C'était ben trop long. Puis iTunes, il le prenait pas. J'ai juste résumé le plus possible. Chris de Calice. Hein. Mais c'est correct que. Hey, veux-tu que je te finisse ça avec une belle blague? Ok, ouais. Tu vas te chier dessus, man. C'est... Ok. Attends que je trouve ma page. J'avais une page avec des blagues. Calice de tabarnak, t'as trouvé plus. Go! Connaissez-vous le meilleur joueur de mini-pot au monde? Non. Harry Potter! Malade. C'est un autre? Oui. Ok, un gars va voir son médecin après les fêtes. Docteur, j'ai très mal à l'estomac. Je crois que ça vient des huîtres. Vous n'avez pas senti qu'elles n'étaient pas fraîches en les ouvrant? Fallait les ouvrir! Oh! Il les a mangés au complet! C'est qui est calme? Oh, man, hein. Ok, j'avais une idée de personnage aussi, mais il fit nulle part, man. Ben, faites-le là, à la fin, en bonus. Ouais, c'est... Fais-le apparaître, téléportation, il apparaît là. C'est le bébé. Bring, bring! Oh, un appel? C'est un faux appel ou c'est un vrai? Je me suis dit. C'est un vrai appel, man. Ok, c'est vrai. On l'a fourré à Chris. À toi, man. Les deux, ils chamoyaient d'un chip. T'allais le voir, man, voler 2 piastres de gomme. L'ai eu, l'esti! Ça va, monsieur? Je peux, Hey, c'était tout, man! On est des voyous! Hey! Je sais pas où j'allais avec ça. Appelé par les voyous eux-mêmes. On les connaît, les fameux voyous. Je trouvais ça drôle de genre commencer avec un truc qui fait comme « Oh my god, Arc, ta gueule! » Puis t'es comme « Ah, C'est juste qu'il y a un gars qui pense que c'est extrême, là. Ah, c'était pas bon. C'est à notre image, hein? Pour ceux qui joignent à nous pour la première fois, désolé, ouais. Hein, c'est ça. C'est... ça lève pas plus que ça. C'est... Peut-être que mais vous avez fait comme cri, je découvre de quoi. Peut-être que vous avez fait tout ça. Mais les personnages, même, c'est ainsi, là. Je suis pas capable. Ben, sais-tu, j'imagine-tu que le monde font ça aussi, font comme... J'ai-tu hâte qu'ils arrêtent de faire des crises de personnages pas drôles de tabarnak? Ouais, non, ça fait depuis l'épisode 30 ouais. qu'ils en font à toutes les crises d'épisodes, ouais, mais c'est genre d'affaires que c'est le genre de truc, je pense que tu peux dire genre, ok, j'arrête, mais j'essaye plus, puis je veux pas que ça devienne mieux. Tu sais, je fais ça aussi, j'essaie ouais, de pas arrêter pour comme pratiquer. C'est ça, on arrête pas pour vous, là, Chris, on veut s'améliorer. Imagine l'épisode 180, ouais, il va être mais bon. Un peu... L'affaire, mais si genre, j'ai l'impression qu'à la base, le fond des sorbets, c'est un peu, c'est quasiment ça. C'est un, de l'eau, genre, souvent. De la pratique. Non, c'est de l'eau, ça fond. Ouais, c'est genre okay. Nous qui... Dans le fond du plat. Qui essaye. Bref. Ouais, aussi. J'aime pas tant ça, les sorbets, man. Le podcast ou le dessert? Man. Non, le dessert. C'est tout le temps comme « Ah, j'aimerais mieux de la crème glacée. » Ça me semble que ça sonne comme quelque chose que quelqu'un pourrait dire à parler à nous autres. Tu ben, c'est sûr, c'est notre nom. Tu sais, jamais content ou même devant quoi, c'est name drop souvent ces temps-ci. Fait, mais c'est sûr qu'il y a plein de monde qui nous ont essayé, ils font comme « J'aime pas tant ça, les sorbets. » Je ouais. comprends pas pourquoi ils sont bandés là-dessus. Gentils, hein. Ouais, c'est comme « ils ont ouais, c'est ça, ils ont été fins avec eux, puis là, ils ont fait de quoi, là, mais... » Tu sais, ouais, c'est ça. C'est peut-être comme le petit frère avec les yeux qui louchent que tu veux aider à l'école. Là, tu fais comme, ah, ouais, c'est ça. Ah, mais c'est fin, genre, hein. ils veulent tellement. Ouais, ok, ben, en tout cas, on va rider sur ce prank-là longtemps. Après ça, on va pleurer en petite boule, mais là, pour l'instant, on va profiter de notre ignorance de la situation. Hey, mais ce beau crossage-là, ça met une belle fin à notre épisode 51, ça. On finit en crosse. C'est ton tour de parler okay, pendant que je m'accrosse. Ok. Ok, fait que, ouais, mais fin d'épisode classique. Là, Chris, moi, j'étais habitué que c'est surtout qu'il le fasse, là. Je suis pas prêt. Mathieu, ouais. Mathieu, il s'étire les joues, là, pour. Je pourrais être sûr. Je voulais pas briser la magie, mais. C'est sûr que ça, en tout cas. On est des maîtres de l'illusion. Si tu crosses, ça sonne de même. Fais-toi checker. C'est pas normal. Mais non, mais je crache dessus. Ben oui, ça sonne pas comme des joues, esti. Ben oui, quand tu. Mais non, mais t'entends une écho de bouche, là. T'entends comme le. Tu sais, t'entends le fond de. T'entends l'intérieur de bouche. Je te dis, ça sonne pas de même. Ça se passe, tu le fais sec. Dis non, ça passe. C'est pas vrai. Non, mais parlant de faire sec, pour aller sur faire sec book. Non. On est sur Facebook, Twitter, toutes ces affaires-là. Je dirais pas sur où nous écouter. Là, ceux qui disent où vous écoutez, on le sait, vous êtes en train de nous écouter. Là. Je parle au ouais, podcast. Des fois, l'autre jour, j'ai comme, ouais, même peut-être, s'ils veulent le recommander ou quelque chose du genre, mais en même temps, c'est comme Chris dit le nom, il va le chercher, puis s'il est pas là, ben, il l'écoutera pas. C'est pas comme s'il allait changer de plateforme pour aller écouter un autre. Ouais, petit je podcast, sais pas, mais c'est ça qui est poche avec le podcast, c'est que t'as pas. C'est tellement pas clair où l'écouter, ouais. Fait que tout le monde écoute ça n'importe où. Là. Mm. Tu sais, si. J'imagine la personne moyenne a pas vraiment de d'app ou de site pour ça. Fait que la personne moyenne va aller sur YouTube ou sur les sites de chaque truc. Ou genre. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, fait que c'est pas clair. Mais ouais, bref, on est sur toutes ces patentes-là. Sauf YouTube. Ouais. Désolé. Sauf YouTube. Vous allez pas me convaincre de mettre un podcast audio sur YouTube, c'est pas vrai. Non. Bref. C'est ça, on est partout, puis on jase, on a bien de la jasette, hein? Voilà. On aime ça, on aime ça. Ouais, ben ça, on parle, puis on rote, on est partout, puis la semaine prochaine, on va être encore là, on va être encore à béton, puis la bloc, puis la semaine prochaine, la suite de Donjons et Drano. Ouais. Fait que c'est pas rien, c'est une bonne raison non. de rester ici, là. Ouais. La semaine prochaine. Quand même pas pire, là. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ils ont contré tous nos essais. Leur flux est impénétrable. On a été trop doux. Allez, on quadruple la force. Mais quadruplé, nous allons court-circuiter les flux cosmiques. C'est un ordre. Bien sûr, mais c'est... Triple idiot! Vous avez averti, monsieur! Notre plan est foutu! Oh là là! Qu'il soit maudit à jamais, c'est sauvé!